Bienvenue à toutes et à tous dans le MAG sur Radioactive et aujourd'hui, direction un lieu emblématique de notre territoire, un écrin de verdure et de création qui mêle la nature, l'art, l'histoire mais aussi l'imaginaire, le domaine de Chaumont-sur-Loire. Et pour cette émission, nous avons le plaisir de nous promener entre les massifs fleuris et les installations poétiques à l'occasion de l'événement Contes au Jardin. C'est un événement qui invite petits et grands à s'immerger dans des univers féeriques au cœur des allées végétales. Et pour en parler, c'est Chantal Colleux-Dumont, directrice du domaine et grande ambassadrice du lien entre l'art et la nature, qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour Chantal Colleux-Dumont. Bonjour. Donc nous allons évoquer ensemble également le Festival international des jardins qui continue à surprendre chaque année par sa créativité et son engagement écologique. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'est Contes au Jardin, la philosophie derrière cette proposition ? Contes au Jardin, c'est une nouvelle manifestation qui nous permet d'inviter les visiteurs qui aiment Chaumont à venir le soir, les vendredis et les samedis soirs d'été, écouter des contes qui sont évidemment dans le prolongement de la thématique du Festival des Jardins cette année, Jardin enchanté, Jardin enchanteur, avec cette idée que le conte nous permet de nous éloigner un peu de la réalité ou d'en parler de manière détournée. Le conte est plein d'esprit, plein d'anecdotes, plein d'intelligence. Et on se souvient quand on était enfant qu'on était fasciné par ces personnages, par ces histoires, par ces morales, entre guillemets, par la manière dont se déroulaient les métamorphoses et dont un certain nombre de vérités étaient dites. Donc, à travers ces contes qui sont choisis par Samuel Tassinage, qui est un brillant homme de théâtre, vont nous permettre de passer dans la tiédeur du soir de très beaux moments de poésie et d'oubli. Ce qui doit vous ravir parce qu'on vous sait amoureuse des plantes, des fleurs, mais aussi de la langue française. Oui, je suis très heureuse de pouvoir toujours valoriser ce qui est de l'ordre de la littérature, quelle que soit sa forme, parce que je crois qu'on a besoin des livres, qu'on a besoin des mots et qu'on a besoin de milliers de mots. Et il ne faut surtout pas se réduire aux 200 mots dans lesquels parfois on nous enferme. Un mot contient un monde et un conte contient encore plus de monde. Je pense, et je le dis souvent, que la culture, c'est ce qui nous élève et ce qui élargit notre horizon. Et quoi de mieux que de le faire à travers des lectures de contes ? Nous avions ces dernières années des thématiques qui étaient plutôt liées à l'écologie, parce que j'imaginais que parler de biométisme, de la biodiversité, de la résilience, par l'intermédiaire des jardins, dans des lieux infiniment poétiques, c'était une manière de faire passer des messages. Mais il m'a semblé que dans le monde tourmenté dans lequel nous sommes, c'était bien d'aller vers l'imaginaire, c'était bien d'utiliser le thème du conte qui permet de parler du réel, de dire des vérités, mais de manière détournée, et de s'adresser ainsi aux petits et aux grands. Comment sont choisis les contes, les histoires ? Samuel Tassinage, qui est un comédien local, qui va se prêter justement à ces soirées, est-ce que c'est lui qui choisit les thématiques ? Samuel Tassinage est un comédien qui est installé dans notre territoire, qui organise un festival également, qui aura lieu juste avant, est un réalisateur, un metteur en scène, un scénariste aussi, et qui a beaucoup travaillé sur un certain nombre de films, par exemple La Belle Verte, qu'il a réalisé avec Colline Serrault. Mmh. Samuel Tassinage a répondu à ma sollicitation et a choisi lui-même les contes. En fait, depuis janvier, il ne cesse de lire des contes de toutes sortes, du monde entier. Il est fasciné, il est passionné, il n'arrête pas de m'en parler. Et donc, il va lui-même choisir des contes qui sont d'ici ou d'ailleurs et qui sont tous aussi fascinants les uns que les autres. On l'a déjà entendu avec sa belle voix. Il sera également accompagné d'une comédienne ou d'un comédien, il va nous emporter vers des histoires et des lieux imaginaires dont les petits et le grand, peut-être plutôt les grands, seront enthousiasmés. Le public à qui s'adressent ces contes, est-ce qu'il est très divers? Le public de ces conte est composé d'adultes qui peuvent venir avec leurs enfants. Les contes sont souvent remarquablement écrits, subtils, mais la subtilité, la délicatesse et l'intelligence s'adressent à tous les publics, même les plus petits. L'idée était d'avoir un événement nocturne, puisque c'est tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs de juillet et d'août, à partir du 5 juillet. L'idée était, dans le prolongement du thème du Festival des Jardins, de nous entraîner dans toutes ces histoires. Et comme à Chaumont, je pense que tous les publics sont possibles. À Chaumont, dans nos jardins et dans le château et dans les lieux où on présente de l'art, nous avons à la fois des gens qui sont de grands connaisseurs et puis tous les publics. La force de Chaumont, l'originalité de Chaumont, c'est de s'adresser à tous en ne renonçant à aucune exigence. Nous organisons régulièrement des conversations sous l'arbre, une fois par mois, avec de grands spécialistes des arbres, du parfum, selon les thématiques. À l'automne, on parlera du vin ou des animaux. Ça vise un public de gens intéressés par une vision du monde un peu différente de ce qui nous est donné sur les ondes en général, c'est-à-dire le même type de propos sur le réel. Ça, ce sont les conversations sous l'arbre. Les contes au jardin, ce sont des lectures avec une carriole magnifique sur laquelle sera assis le conteur et les gens qui sont avec lui. Et le public écoutera Méduse et j'en suis sûre, ces magnifiques histoires, et chacun retrouvera son esprit d'enfance. Très bien. Pour parler à présent du Festival international des jardins, cette édition 2025 a pour thématique « Il était une fois au jardin ». Quels sont, selon vous, et la question ne va pas être facile, les jardins à ne pas manquer cette année? C'est toujours compliqué de répondre à une telle question parce que ces jardins ont déjà été sélectionnés parmi 200 projets et on peut considérer que les 24-25 parcelles auxquelles on peut rajouter les invités sont tous très réussis. Ce que je peux dire, c'est qu'il y en a certains qui font vraiment rêver les gens, comme Hortus Pocus, qui est un jardin avec des sculptures qui sont faites avec des éléments de récupération de couleurs et qui a un travail magnifique sur le végétal qu'on trouve en parcourant le labyrinthe du jardin. On a aussi le jardin du haricot magique qui a été créé par des étudiants de l'école d'Angers et Rennes. On a un jardin indien absolument extraordinaire, tout blanc, avec des barques bleues, des miroirs, qui a été fait par une équipe venue de très loin, d'Inde, qui s'appelle Rhapsodie Himalayenne. On a le jardin des songes, avec des sculptures blanches et des brumes et des cascades. En fait, ils sont tous très beau. Les échos que nous avons sont très positifs. Et puis, on a créé également une promenade des contes enchanteurs où vous avez des serres avec des verres de couleur, une grande table à laquelle pourrait s'asseoir un géant, un arbre qui avale un crocodile. Enfin, toutes sortes de scènes qui séduisent les petits et les grands. Ce festival, il a toujours eu un regard engagé, notamment sur l'environnement, bien sûr. Est-ce que vous sentez en tous les cas une évolution dans la façon dont les artistes jardiniers s'approprient justement les enjeux climatiques auxquels on est confronté au jour d'aujourd'hui? Ce sont des jardins qui sont faits par des équipes qui, entre 25 et 35 ans, sont complètement persuadées de ces enjeux, de la nécessité de préserver les arbres, d'apporter des zones d'ombre, de fraîcheur. Ils s'intéressent à l'évapotranspiration. Nous-mêmes avons ces préoccupations depuis de longues années et on sent que ce qui pouvait être au départ quelque chose de volontariste devient naturel chez les jeunes générations. Et ça, c'est important. Il faut que tous nous plantions des arbres, il faut que tous nous protégions cette peau qui est celle de la terre avec un maximum de végétal. Les jeunes s'approprient ces thématiques. On a vu, par exemple, deux jardins qui utilisent le mycélium. Le mycélium, qui est un champignon qu'on va utiliser de plus en plus dans l'architecture. Ce qui est intéressant à Chaumont, c'est, je dis toujours, ces jardins ne sont pas faits seulement par des paysagistes, ils sont faits par des paysagistes, des artistes, des designers, des botanistes, enfin des gens qui sont en recherche, qui sont dans un lieu où on ne les bride pas, et donc ils inventent. Et Chaumont est un lieu d'invention et aide à la fois les équipes à avancer et nous-mêmes à réfléchir au progrès qu'on peut faire tous ensemble. Il ne faut pas perdre espoir. Il faut que les générations prennent en main toutes ces problématiques et on va trouver les solutions tout en étant extrêmement conscient des dangers qui nous guettent. Très bien. J'aurais une dernière question. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'a encore jamais passé le portail, qui n'est encore jamais venu visiter le domaine de Chaumont ? Je dirais qu'il entre un peu au paradis. Toutes les équipes de Chaumont-sur-Loire, les équipes internes, plus les artistes, les paysagistes, tous ceux qui travaillent sur ces 35 hectares, ont mis toute leur imagination, toute leur énergie à concevoir un lieu où la beauté est indispensable. Chaumont, c'est un lieu de beauté, de douceur, d'harmonie, de réflexion aussi. Un lieu qui est hors du monde pour donner envie à ceux qui ressortent, c'est-à-dire le visiteur ou la visiteuse qui vient pour la première fois, de porter ses valeurs à l'extérieur. Le beau est indispensable dans nos existences et le beau peut nous soigner et nous réparer. Je pense que Chaumont est un lieu qui donne un peu d'espoir. En tout cas, les visiteurs qui viennent la première fois, en général, ils reviennent. C'est quand même le signe qu'on apporte une réponse, un ressourcement et un bien-être dont nous avons tous besoin. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Eh bien, merci beaucoup, Chantal Colleux-Dumont, pour cet accueil chaleureux au domaine de Chaumont-sur-Loire. Des contes au jardin à l'art paysager engagé du Festival international des jardins, ce lieu nous rappelle combien la nature peut être source de rêves et d'imaginaire, comme vous le disiez si bien, mais aussi de réflexion et de création. On invite donc tous les auditeurs à découvrir ou redécouvrir ce lieu magique, ouvert tout l'été, pour flâner et s'émerveiller et peut-être laisser germer en vous quelques graines de poésie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.